bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Vous croyez en la réalité des fantômes ? Oh, j'ai des tas de raisons d'y croire. Parce que j'ai des fantômes, mais j'ai surtout des amis qui en... Carven, par exemple, que je connais très bien, a acheté un magnifique prieuré qui a été bâti sur les ruines d'un cimetière de moines. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Pendant longtemps, on nous l'a bâillé belle. Nos 20e et 21e siècles auraient été voués, grâce à la science en marche, à refouler les sottises du paranormal dans le grand cimetière des absurdités primitives dont les certitudes savantes étaient assurées de triompher. Le désenchantement du monde aurait conforté à coup sûr les bases de notre modernité. Disparus donc, les spectres, pouvait-on croire, ces ultimes témoins dérisoires d'une mentalité primitive. Nul vrai dialogue désormais entre les vivants et les morts, en dehors des seules fidélités asymétriques, par-delà la tombe, de l'admiration, de la haine ou de la tendresse. Et pourtant, quel étonnement ce peut être aujourd'hui pour les malheureux prophètes de la raison triomphante que de constater que les fantômes pullulent autant que jamais dans notre alentour. Chez les enfants, bien sûr, au moment par exemple d'Halloween, avec le tourbillon de ces cavaliers sans tête. Mais tout autant dans l'univers de nous autres grandes personnes, comme on est convenu de dire. Les jeux vidéo, le cinéma, la bande dessinée, et plus encore Internet, sont des machines à produire des revenants. Tandis qu'une presse populaire, où l'on se montre gourmand de cette fantasmagorie, nourrit régulièrement le mythe des maisons hantées et des tables tournantes. Or, il se trouve qu'il a déjà existé une longue période antérieure qui court de la Renaissance jusqu'aux Lumières, où se dessina ce même contraste entre l'effort de rationalisation, y compris au cœur de la foi chrétienne, et la permanence de croyances immémoriales portant des spectres à profusion. Caroline Callard, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, s'est attachée avec brio à faire ressurgir cela dans un ouvrage récent. Il convenait donc que je vous fasse profiter de sa quête sagace et subtile et que je l'invite pour vous ce matin. Les envahisseurs, vous connaissez certainement. C'est-à-dire, sachez que les âmes du purgatoire sont elles aussi descendues sur terre, laissant d'insolites traces sur leur passage. Et là, il ne s'agit plus d'un feuilleton télévisé, mais bien d'une chose très sérieuse. Et pour vous en assurer, il vous suffit de pénétrer dans cette petite église romaine, au bord du Tibre. Une église qui n'a rien de bien particulier, si ce n'est son style gothique un peu criant. À l'intérieur, après avoir assisté au coin du bédeau, on vous allumera dans la sacristie le néon qui illumine tant bien que mal le plus petit, le moins connu, mais certainement le plus étrange musée d'Europe. Et ici, dans un cadre de 4 mètres sur 2, sont exposées une dizaine de preuves de l'existence des âmes du purgatoire, des preuves recueillies par un missionnaire marseillais, le père Victor Jouette, qui a vécu de nombreuses années à Rennes. Mais commencer par cet étrange visage apparu le 15 novembre 1897, alors que le père Jouette célébrait une messe, justement, en mémoire des âmes défuntes, et qu'un étrange incendie s'était déclaré sur le père. Intrigué, en voyant là la preuve de la descente sur terre des âmes du purgatoire, le missionnaire français décidait de parcourir l'Europe à la recherche d'autres témoignages. Et cette recherche a été fructueuse. Témoin d'abord, c'est en train de m'envoler laissé sur la manche de chemise de Joseph Leleux, lors d'une apparition de sa mère, morte depuis 27 ans, en 1819, à Lodenc, en Belgique. Autre preuve, il s'agit toujours d'empreintes brûlées, celles faites sur le tablier d'une sœur britannique en 1696, par la sœur supérieure du couvent, morte depuis 30 ans de la peste. Et puis aussi, cette main brûlée sur la chemise de Louis le Sénéchal, de sa femme, décédée depuis quelques années, et qui otage de ne pas lui être totalement fidèle. Étrange encore, cette table brûlée par une main gauche et un crucifix, il s'agit là de la table de travail d'une sœur italienne, empreinte sur les scènes de l'ancien père abbé du monastère, qui en 1731 lui reprochait sa légèreté dans les prières. À part un certain instant, de séduiser les âmes du purgatoire, alors est-ce que vous croyez tout ce que vous avez vu? Eh bien, je vous apprendrai que c'est difficile de croire parce que ce n'est pas l'objet de foi. On distingue dans l'Église ce qui est de foi et ce qui est simplement de dévotion. Ce que vous avez vu là, c'est la trace des âmes du purgatoire ou du diable? C'est que le diable peut faire la même chose. Et c'est pourquoi l'Église demande toujours le discernement. Caroline Callard, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé un reportage sur les reliques d'âmes du purgatoire conservées dans une église romaine et présenté ici, ce reportage, par Jacques Hébert le 6 juin 1976 sur TF1. J'ai pensé que pour une spectrographe ou une spectrologue comme vous, ce pouvait être un bon départ, non ? Oui, le musée des âmes du purgatoire de Rome est désormais bien connu. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de prier le bedeau pour se faire ouvrir la porte. Il est fréquenté par tout un tas de touristes qui se refilent l'adresse parce que c'est considéré comme une des curiosités romaines. Et donc, on peut aujourd'hui tout à fait encore visiter ce musée. Quand vous y êtes allé, vous avez ressenti une ironie à la ronde, une distance ou au contraire des ferveurs qui se rassemblaient là? Il y a un tourisme sceptique attiré par l'objet un peu kitsch, qui est perçu en tout cas comme un peu kitsch par les touristes. Ensuite, il faudrait mener une enquête approfondie pour savoir si ne s'y pressent pas aussi des fidèles en quête de preuves ou de croyances. Je ne pourrais pas vous répondre, mais en tout cas, elle attire bien au-delà du cercle des fidèles et des croyants. Il doit y avoir de la distance du côté de ceux, naturellement, qui ne sont pas croyants, mais même des protestants, des huguenots, compte tenu de l'histoire que nous allons avoir à évoquer. Ce matin, je pense à la thèse de Max Weber, selon laquelle le protestantisme aurait contribué à ce désenchantement du monde que j'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est peut-être effectivement Max Weber qui a planter le cadre à partir duquel on a longtemps réfléchi en historien sur la question des apparitions et plus largement du surnaturel et de tous les êtres qui accompagnaient cette notion. Et c'est vrai que Max Weber voit dans le protestantisme le grand opérateur à désenchanter le monde de l'histoire de l'Occident chrétien, dans le cas plus spécifique des fantômes, en supprimant le purgatoire, puisque Luther rejette le dogme du purgatoire dès les premières décennies du XVIe siècle, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de lieu d'où les morts peuvent revenir auprès des vivants. Il n'y a plus de troisième lieu, il n'y a plus que deux lieux, l'enfer ou le paradis. Du paradis, on estime que généralement on ne revient pas parce que on y est bien. On y revient ça, peu. On comprend ça, oui. De l'enfer, en revanche, on peut revenir. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas définitif. Ah ben, les esprits malins sont toujours susceptibles de sortir de leur marmite. Mais ils y sont refoulés très vite, non? Ah ben, les protestants estiment que la présence du diable dans le monde, en tout cas pour la période qui m'intéresse, le XVIe, le XVIIe siècle, elle est tout à fait active. Et il y a des cas d'apparition de maisons hantées par des présences diaboliques dans les pays protestants. C'est une réalité tout à fait vivace dans les pays protestants. Et puis, j'ajouterais qu'aujourd'hui, cette thèse du désenchantement de Max Weber, elle n'a pas cessé depuis qu'elle a été formulée. Au début du XXe siècle. Voilà. Et depuis, enfin, ou plutôt depuis une cinquantaine d'années, disons, les historiens se sont attachés à réviser considérablement ce premier constat en repeuplant, au fond, le monde moderne de toutes les créatures enchantées qu'on y a découvertes. Nous allons braquer notre attention, Caroline Callard, je l'ai annoncé, sur votre période préférée du XVIe siècle au temps des Lumières, au XVIIIe siècle, mais les fantômes n'ont pas attendu votre époque pour apparaître. Il y en a en particulier dans l'Antiquité. Je pense forcément, prioritairement, à Homère et à l'Iliade. Je voudrais vous faire entendre un extrait du livre 23. C'est le fantôme de Patrocle, l'ami de cœur d'Achille, qui, après avoir été tué par Hector, lui apparaît dans la nuit. C'est un extrait d'une émission des Chemins de la connaissance sur France Inter le 12 mars 2001. Quand le sommeil l'eut pris, déliant les soucis de son cœur, profond, enveloppant, car il avait beaucoup fatigué ses membres brillants en s'élançant contre Hector vers Ilion l'aéré, survint l'âme du malheureux Patrocle, toute semblable à lui par la taille, les beaux yeux, la voix même. Pareils aussi étaient sur son corps les vêtements. Elle s'arrêta au-dessus de la tête d'Achille et lui dit « Tu dors et tu m'oublies, Achille. Ce n'est pas en moi un vivant que tu négliges, mais un mort. Ensevelis-moi au plus tôt que je franchisse les portes d'Hadès. Elles me repoussent au loin les âmes, les fantômes des défunts, et ne me laissent pas encore me mêler à elles au-delà du fleuve. J'erre en vain dans le haut de la demeure d'Hadès aux larges portes. » Achille, au pied rapide, répondit « Pourquoi, tête chérie, es-tu venue ici et me fais-tu ces recommandations une à une ? Pour moi, je les accomplirai toutes et j'obéirai à tes prescriptions. Mais approche-toi de moi. Pour un instant, embrassons-nous et goûtons de funestes lamentations. » À ces mots, il tendit les mains sans le saisir. L'âme sous la terre comme une fumée s'enfuit en criant. Stupéfait, Achille se dressa, frappa des mains et dit ces mots plaintifs. Hélas, il y a donc même dans la maison d'Hadès une âme et un fantôme, mais sans organe vital. Car toute la nuit, l'âme du malheureux Patrocle s'est tenue au-dessus de moi, gémissant et pleurant, et m'a recommandé chaque chose. Et elle ressemblait merveilleusement à lui-même. Eh bien voilà un ancêtre de vos revenants, Caroline Callard. Homère, à cet égard, vous offre cela. Il pourrait l'offrir aussi dans l'Odyssée, avec Ulysse qui cherche l'ombre de sa mère. Oui, Ulysse aussi. Il y a un épisode célèbre qu'on appelle la Nécuia d'Ulysse, dans lequel il invoque le fantôme, l'ombre, comme on dit dans le vocabulaire de l'Antiquité, l'ombre de sa mère. Mais pour revenir à cette apparition de Patrocle à Achille, on trouve certaines coordonnées qui vont être très stables dans les apparitions des fantômes ultérieurs. Il y a une grande permanence de certains motifs. Et ici, effectivement, Patrocle incarne, si j'ose dire, le fantôme de celui qui a été mal ensépulturé, comme on dira à la Renaissance, c'est-à-dire qui n'a pas reçu les funérailles dignes de son statut, de son nom, de son être d'homme même. Et donc vient cette figure qui hante Achille sous la forme de la culpabilité. Hein, il l'accuse, tu dors et tu m'oublies. Hein, donc ce passage est assez paradigmatique de ce qu'on va trouver dans une littérature qui a une intertextualité très dense, hein, qui se retrouvera au fil des siècles. C'est un thème général de la littérature antique. On voit chez Lucien de Samosate, le fameux dialogue des morts, l'histoire d'une certaine pantoufle égarée. Oui, c'est vrai. Alors, sous la forme d'une quête de la vérité et du scepticisme chez Lucien de Samosate, dans ce fameux texte qui s'appelle « Le Philopseudeis contre ceux qui veulent croire ». Et Lucien de Samosate relate tout un tas d'histoires de hantises avec cette belle histoire d'une femme qui est morte et à laquelle son mari a fait un bûcher funéraire. Et dans ce bûcher funéraire, il a brûlé tous les objets qui appartenaient à la défunte et qui lui étaient chers. Rituel ordinaire. Voilà, avec cette idée qu'en les brûlant, il les lui communique. Et sa femme revient. Elle revient pourquoi ? Parce qu'il a oublié de lui transmettre l'une des deux sandales d'or qu'elle affectionnait. Et donc elle revient chercher cette petite sandale. Et donc ce motif sert de pierre de touche à un discours qui, pour Lucien de Samosate, est profondément sceptique, mais qui montre aussi la séduction de ces histoires, ce qu'il appelle la mémoire adhérente des choses. Effectivement, il enquête sur le goût des vivants pour ces histoires-là. Et c'est vrai que les histoires qu'il raconte sont magnifiques. Alors encore un dernier exemple avant de quitter l'Antiquité. En vous lisant, j'ai été sensible au texte La lettre de Pline le Jeune à Suria sur le cas d'Athénodore, vous voulez bien nous le dire? Alors, c'est une lettre qui va devenir extrêmement célèbre, notamment à la Renaissance, qui est très connue et qui raconte donc l'histoire d'Athénodore, un philosophe qui habite Athènes. Et dans cette ville, à ce moment, il y a une maison qui est réputée hantée, que personne n'habite, autour de laquelle on entend des bruits la nuit, qui fait peur au voisinage. Et Athénodore campe le philosophe, non pas incrédule, comme chez Lucien, mais le philosophe qui a le courage d'affronter l'apparition. Et justement, Athénodore va donc prendre ses tablettes, c'est-à-dire ses livres, on dirait aujourd'hui, et il s'installe dans la maison hantée, et au plus profond de la nuit, un fantôme hideux apparaît. Il est pâle, il est pourvu d'une chaîne, cette chaîne qui rend visible le fait que le fantôme, il est coincé au fond entre la terre et le royaume des morts. Il est un peu comme Patrocle, il ne peut pas passer dans le royaume des morts. Il est condamné à errer dans la prison terrestre, sur terre. Et donc ce fantôme lui apparaît et Athénodore a le courage, en philosophe, de s'adresser à lui. Et l'apparition lui montre un tas d'ossements qui sont ses restes et qui fait comprendre à Athénodore que l'apparition a été mal ensépulturée. Le lendemain, Athénodore va dire aux autorités municipales athéniennes qu'il faut rendre les honneurs à ses dépouilles. Et donc on organise des funérailles publiques et de ce moment-là, nous dit Pline, l'apparition a cessé de hanter la maison athénienne. Voilà une thématique dans l'Antiquité déjà présente et qu'on va retrouver tout au long de cette histoire, de toute l'époque chrétienne. Beaucoup des éléments de cette histoire des spectres sont déjà présents. Le chromatisme du côté du blanc en général, les bruits, c'est très sonore cette histoire. Et puis, des divers types de spectres, les êtres spectraux. On trouve les mânes, les larves, les lémures, les revenants, des fantômes de tout poil. Je ne sais pas si les fantômes ont des poils. Alors là, vous me posez une vraie colle. Oui, mais j'espère bien vous coller. En tout cas, je peux répondre sur la question de l'apparition du fantôme. Ce qui est frappant, c'est que, je peux m'exprimer ainsi, c'est que le fantôme n'a pas d'aspect visuel très standardisé, disons, à la Renaissance. Il peut apparaître sous tout un tas d'aspects, donc pourquoi pas l'aspect poilu, même si, comme ça, il ne m'en vient pas à l'esprit. Le Moyen-Âge, et c'est pourquoi vous n'avez pas choisi cette période, j'imagine, comme centrale pour votre quête, le Moyen-Âge connaît des revenants, mais d'une façon plus incertaine que votre XVIe siècle. D'abord, Saint-Augustin, qui influence tellement la pensée à l'époque, est très méfiant à l'égard du phénomène des revenants, même à l'égard il dit que même sa mère, qu'il a tant aimée, Sainte Monique, ne peut pas réapparaître, sinon il serait tellement plus heureux. Oui, Saint Augustin, c'est ambigu. En tout cas, on va construire son ambiguïté dans la façon dont les textes d'Augustin vont être présentés, mais c'est vrai que on ressent un certain malaise dans les écrits d'Augustin, puisque dans la partie du traité qu'il consacre à cette question-là, le De cura pro mortuis gerenda. C'est-à-dire, traduisez s'il vous plaît. Traité sur le soin qui est dû aux morts. Il répond en fait à une question qui lui avait été posée par Paulin de Nole, qui lui posait la question de l'efficacité d'une sépulture à côté des martyrs. Est-ce qu'il y avait une certaine efficacité? Est-ce que c'était bon pour le transit de l'âme d'être enterré aux côtés de martyrs chrétiens? Et donc Augustin répond plutôt par la négative, mais il est très prudent, c'est-à-dire il estime effectivement que les morts ne peuvent plus rien pour nous, mais sur la question des apparitions, il reste prudent parce qu'il sait qu'il y a des autorités de l'Église qui ont rapporté des cas et qu'il ne peut pas se permettre de s'y opposer ou de les réfuter radicalement, et notamment Ambroise. Mais sinon, effectivement, son traité est magnifique sur les, toute la partie sceptique et savoureuse. Et vous mentionniez la preuve que j'appelle la preuve par Monique de l'inexistence des apparitions, qui est une preuve par l'absurde, où il dit si les fantômes existaient, est-ce que vous pensez pas que ma mère, qui m'a suivie partout, sur terre, sur mer, de mon vivant, elle qui n'a jamais aimé que moi et dont j'ai été le seul amour, est-ce que vous ne croyez pas que Monique ne serait pas toujours là près de moi, même après sa mort ? Loin de moi de croire, en effet, dit-il, que son bonheur l'ait rendu cruel au point de ne pas consoler dans sa tristesse et ses angoisses ce fils qui fut son seul amour et qu'elle n'a jamais voulu voir malheureux. Oui, voilà la preuve par Monique. C'est vraiment étonnant dans ce traité de voir apparaître cette preuve, ce témoignage très personnel et cette argumentation très personnelle d'Augustin. Augustin représente une difficulté à la fois ensuite pour les catholiques et pour les protestants, parce que les deux parties à la Renaissance vont essayer de l'enrôler du côté des apparitions ou contre les apparitions. Mais la question de Monique va être soulevée en particulier par Lavater, un polémiste protestant qui en fait vraiment un point de difficulté. Nous allons y arriver à ce conflit déjà évoqué entre protestants et catholiques. Avant de quitter le Moyen-Âge, on peut dire que peut-être les humains de cette époque-là ont été moins crédules qu'on l'a dit souvent. Jean-Claude Schmitt, dans plusieurs travaux intéressants, le montre. Et pourtant, les revenants existent. Dans Joinville, par exemple, l'historien de Saint-Louis, un des premiers historiens à avoir fait une égo-histoire, il évoque le fait qu'il a vu réapparaître son maître, Saint-Louis, après la mort de celui-ci, sans qu'il soit toujours très clair de savoir si c'est en rêve ou en réalité. Oui, je pense qu'effectivement, tous les âges qui ont produit des récits d'apparition ont produit aussi son antidote sous forme de doute et de scepticisme, et qu'il est assez vain de vouloir départager des époques crédules et des époques moins crédules. En revanche, il y a des époques dans lesquelles l'énoncé de la croyance aux apparitions est plus ou moins admis socialement. Et c'est vrai que ce qui caractérise le Moyen-Âge comme l'époque moderne, c'est que dans la mesure où les apparitions des âmes du purgatoire sont admises par l'Église, c'est un énoncé qui est proférable, qui est orthodoxe, et donc que l'on peut dire sans craindre de paraître superstitieux, même si le reproche existe, puisque quelqu'un comme Erasme, par exemple, dans ses colloques, va faire une petite nouvelle. Les colloques sont ces dialogues célèbres. Les dialogues célèbres d'Erasme mettent en scène un spectre qui est en réalité une supercherie manipulée par un prêtre qui s'en sert pour extorquer de l'argent à ses ouailles. Donc l'exercice du doute, il est présent au Moyen-Âge, il est présent à l'époque moderne. Simplement, c'est vrai que l'apparition dispose en tout cas d'une légitimité garantie par l'Église, ce qui fait peut-être la grande différence entre ces périodes anciennes et la nôtre. Vous évoquez Erasme, c'est-à-dire en fait l'humanisme, et c'est à ce moment-là que commence spécifiquement votre enquête. Exactement. Alors par rapport au Moyen-Âge, que vous avez raison de souligner comme une période importante, c'est vraiment tout le soubassement de mon enquête. Je me suis appuyée sur les travaux de Jean-Claude Schmitt, qui est l'auteur de l'ouvrage de référence sur les revenants au Moyen-Âge. Et c'est sûr que j'aurais pas pu écrire ce livre sans avoir ce travail préalable qui m'a permis de tracer des continuités. Ça m'a permis aussi de repérer des ruptures, et parmi ces ruptures, il y a notamment, effectivement, la rupture, le schisme des catholiques et des protestants qui mettent les fantômes au cœur de la polémique, puisque en supprimant le purgatoire, on supprime la possibilité pour les morts d'apparaître. Et là, va se développer une polémique, qui n'existait évidemment donc pas au Moyen-Âge, entre clan catholique et clan protestant, qui amène certains auteurs donc à promouvoir l'existence des spectres et à réaliser de véritables encyclopédies spectrales. Il y a là un magnifique duo, un duel, une controverse entre Lavater d'un côté, qui est le protestant que vous évoquiez tout à l'heure, hostile à l'idée même de l'existence des revenants, et d'autre part, Taillepied, qui est un capucin, qui publie en 1588, je vous ai lu, Caroline Callard, un traité de l'apparition des esprits, 1588. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été plus précisément les éléments de cette controverse qui désormais est décisive, protestant contre catholique, dans le domaine des spectres? C'est une controverse qui est déclenchée, comme vous l'avez dit, par Lavater, qui publie son livre en 1569, qui sera publié, traduit dans toutes les langues et qui va connaître un grand succès. Et en France, la réplique lui sera donnée par Noël Taillepied en 1588 et 2 ans plus tôt par Pierre Leloyer en 1586. Un grand personnage, Leloyer, dans votre histoire. Disons que c'est Pierre Leloyer qui est un juriste, hein. C'est pas un théologien, contrairement à Noël Taillepied. C'est un juriste, hein, qui a plutôt écrit de la poésie jusqu'à présent. Et qui, en 1586, publie ce gros livre des spectres qu'il va quasiment doubler dans une seconde édition en 1605. Un énorme ouvrage. Plus d'un millier de pages. Il propose une véritable encyclopédie des apparitions. Son objectif, effectivement, c'est de répondre pied à pied à Lavater, avec cette nuance, cependant, que Pierre Leloyer examine tous les types d'apparitions, hein, angéliques, démoniaque et humaine. Il y a 3 catégories, oui. Voilà, c'est 3 catégories du phénomène de l'apparition telle qu'elle existe à la Renaissance, enfin dans l'univers catholique. La difficulté, c'est de ne pas se tromper entre les 3 quand on le voit apparaître. Donc là où il y a 3 sphères d'apparition pour les catholiques, pour les protestants, il n'y en a plus que 2. Le divin, qui apparaît peu, et le démoniaque. Ce qui fait que la controverse porte essentiellement donc sur les apparitions des morts. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est de voir comment les auteurs catholiques et protestants se recopient largement quand il s'agit de traiter des apparitions diaboliques. Donc il y a aussi un travail de convergence, hein, qui s'opère et qui vise à prouver la réalité de la présence du préternaturel, comme on dit dans le monde, c'est-à-dire du surnaturel, enfin de cette catégorie particulière du surnaturel dans le monde au XVIe siècle. Donc ils convergent et puis ils se distinguent sur le point de l'apparition des morts. Mais l'enquête savante et scientifique, elle est menée assez conjointement. C'est ça aussi qui est intéressant de constater, c'est que l'enquête sur les phénomènes merveilleux, l'enquête savante scientifique, en un sens, hein, menée sur ces phénomènes-là, elle ne diverge qu'à la fin. Mais au départ, le but de ces auteurs, c'est quand même d'établir la présence des apparitions diabolique pour les protestants, diabolique, humaine et divine pour les catholiques, mais il y a quand même convergence. Avec le purgatoire comme, si je puis dire, pomme de discorde. Comme pomme de discorde. Vous pardonnerez cette formule. Vous parlez de la science. Continuellement, et encore au XIXe siècle, les liens avec la science sont intéressants. L'apparition de l'électricité donne l'occasion d'évoquer des revenants, des fantômes, la photographie aussi. Oui, alors c'est ce qui m'a frappé en travaillant sur le 16e et 17e siècle avec un œil sur le 19e et le 20e siècle, c'était de voir effectivement que les fantômes allaient toujours, ils accompagnaient la science. On peut pas dire que ce soit les phénomènes, l'apparition de nouveaux médias ou la technique qui crée les fantômes, mais ça donne pour les fantômes des possibilités nouvelles d'apparaître. Et donc, c'est vrai qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec les expériences de Mesmer, la découverte de l'électricité, la possibilité d'animer des corps morts devient une question scientifique. Et ça va recharger en quelque sorte la question de la croyance aux fantômes. Ça sera relancé à nouveau avec l'invention de l'enregistrement de la voix, hein, l'enregistrement audio. La radio aussi est un grand média médiumnique et nous y participons tous autant que nous sommes aujourd'hui. Vous êtes venu ce matin avec vos fantômes? Ils étaient déjà là, j'ai bien peur. Et puis la photographie? Et la photographie qui, dès les premiers temps de son instauration, incite certaines personnes à se demander si on va voir apparaître les morts. Alors, on va donc photographier dans les catacombes parisiennes, on va chercher dans les photographies d'aura à faire apparaître le fantôme qui est votre démon familier et qui peut apparaître sur la pellicule. L'aura, l'apostrophe aura, qu'est-ce que c'est? Le démon familier, ou plutôt l'esprit familier qui vous inspire, qui vous hante, qui est avec vous et que la photographie permet de révéler. Ça peut être dans les photographies du 19e siècle, on voit Napoléon, Jules César, et donc ça fait partie des possibilités, ou en tout cas des investigations tentées au 19e siècle par les photographes. Et vous pensez qu'Internet aujourd'hui est un lieu favorable pour vos spectres et vos fantômes? Alors oui, après le cinéma aussi, on n'en a pas parlé, mais grande machine à fabriquer des spectres, et Internet avec la multiplication des avatars, et puis aussi avec la survivance extraordinaire que à la fois que permet Internet et que Internet ne permet pas de contrôler. Une vraie prégnance du fantôme en ligne. Oui, même si il faut se garder de confondre ce qu'on percevrait comme une métaphore du spectral, c'est-à-dire le souvenir des voix qu'on a entendues et dont on sait très bien qu'elles sont mortes. Ce qu'on appelle le spectral aujourd'hui, c'est souvent l'effet de présence des morts. Alors, cette conception-là existe et elle est tout à fait légitime et valide. Je pense malgré tout que la question de la technologie comme révélatrice d'apparition du mort, et non plus comme effet de souvenir, de hantise, etc., est une question un petit peu différente. Enfin, elle implique une façon de se comporter avec les morts, d'agir avec eux. Et si vous voulez un exemple de recherche en sciences sociales qu'on peut faire sur ce thème, on peut citer l'ouvrage d'Elisabeth Clavery sur les apparitions de la Vierge de Medjugorje, qui traite beaucoup de cette façon dont les morts agissent avec les vivants de manière très concrète et non plus métaphorique dans le présent des hommes et des femmes du 20e et du 21e siècle. Alors vous allez nous situer dans cet éventail d'interprétations, premier, deuxième degré, etc. La fameuse apparition du père de Hamlet. On est au tout début de la pièce, telle que jouée au festival de Sarlat et donnée sur la RTF le 5 septembre 1959. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Il me semble que je vois mon père. Monseigneur, je crois que je l'ai vu hier soir. Vu qui? Monseigneur le roi, votre père. Roi, mon père? Modérez votre surprise un instant, tant que j'ai pu vous rapporter sur le témoignage de ces messieurs ce prodige. Pour l'amour de Dieu, que je l'entende. Deux nuits de suite. Ces messieurs, Marcellus et Bernardo, au milieu de la nuit vaste et morne, avaient fait cette rencontre. Une forme à la ressemblance de votre père, tout équipé de pied en cap, apparaît devant eux. Sa démarche est grave. Elle passe lentement et solennellement à côté d'eux. Et eux, cependant, pour ainsi dire, figés par l'effet de la peur, ils sont là, muets, sans un mot pour l'apparition. Ils me firent partager leur redoutable secret, et la troisième nuit, j'ai monté la garde avec eux. Le lieu, la forme, l'heure, chacune de leurs paroles vérifiées, confirmées. J'ai reconnu votre père. Ces deux mains ne sont pas plus pareilles. Où était-ce? Sur la plateforme où nous étions en sentinelle. Vous n'avez pas parlé à cette chose? Si, mais pas de réponse. Cependant, il m'a paru qu'elle levait la tête, esquissait un mouvement, comme pour se mettre à parler. Or, juste à ce moment-là, le coq déchira l'air de son cri. Alors, en toute hâte, l'apparition s'éloigna, puis disparut à nos yeux. Qui est bien extraordinaire. Aussi vrai que je vis, c'est la vérité. Et nous avons pensé que notre devoir nous imposait de vous informer. En vérité, messieurs. Voilà qui me trouble. Êtes-vous de garde cette nuit? Oui, monseigneur. Armé, dites-vous? Armé, monseigneur. De pied en cap? La tête aux pieds, monseigneur. Alors vous n'avez pas vu son visage? Sa visière est élevée. Ah? L'air menaçant? Un aspect plus chagrin que colère. Pâle ou rouge? Très pâle, même. Et il fixait ses yeux sur vous? Sans relâche. Oh, j'aurais voulu être là. Cela vous aurait bien bouleversé. Possible, possible. Sa barbe était grisonnante, non? Si, telle que je l'ai vue de son vivant. D'un noir argenté. Je veillerai cette nuit. Peut-être qu'il reviendra. Alors, Caroline Callard, quelle interprétation donner à cette illustrissime scène de Hamlet de Shakespeare? Justement, la question de d'où vient le fantôme du père de Hamlet est une question très compliquée. Normalement, on est dans un contexte anglican. Il ne devrait pas revenir du purgatoire. Ça devrait être une apparition diabolique. Or, là, Shakespeare nous met en présence d'un fantôme qui est clairement, et de manière beaucoup plus claire encore que dans toutes les autres pièces de Shakespeare qui mettent en scène des spectres, il est clairement identifié comme étant le fantôme d'un mort. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une pièce qui n'est pas conforme au dogme anglican. Il y a d'autre part un aspect de cette histoire des spectres à laquelle nous consacrons cette émission ce matin, qui je trouve intéressante, c'est les relations entre les esprits, entre les fantômes et le droit, en particulier la question des baux des maisons. Vous y insistiez dans un article que vous aviez donné au numéro spécial de Libération à l'occasion des derniers rendez-vous de l'histoire de Blois. Je pense à cet épisode tout récent qui a beaucoup surpris, de ce jugement de la Cour suprême de New York en 91, où le juge Israël Rubin avait expliqué que, sur une question, un débat entre des locataires et des propriétaires, que, as a matter of law, the house is haunted. Et d'un point de vue légal, la maison est hantée. Ça oui, avait étonné. C'est un cas qui a fait beaucoup gloser les juristes, mais pas seulement au-delà, puisque on semblait donner effectivement une sorte de crédit à l'existence des fantômes, alors que c'était pas du tout ce que voulait dire le juge Rubin. Il voulait juste dire que dans la mesure où la propriétaire du manoir avait rédigé des articles, plusieurs articles, où elle parlait des fantômes qui hantaient sa maison et de ce qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était des fantômes tout à fait bienveillants. Ils faisaient des cadeaux aux enfants, ils étaient charmants, mais elle n'en avait pas averti ses futurs acheteurs. Et le juge Rubin a pu dire que donc juridiquement, la maison pouvait être considérée comme réputée hantée, dans la mesure où des articles l'avaient établi, et que la question, elle mettait à distance la question du fait. Le fait juridique, c'était la réputation de hantise de la maison. En somme, une idée fausse devient un fait vrai. Devient un fait juridique. C'est la différence, effectivement, entre la notion de fait réel et de fait juridique. Or, ça renvoie tout droit à des cas que, dans votre livre, vous évoquez, du côté de Bordeaux, par exemple. Dites-nous. Oui, j'ai été assez étonnée de rencontrer des cas de maisons hantées portées devant les tribunaux. Enfin, ce qui m'a étonnée, c'est la temporalité de ces cas. C'est-à-dire qu'à partir des années 1572-1573, sont évoquées devant les tribunaux d'Ancien Régime donc la question de maisons hantées que l'on voudrait quitter avant le terme échu du bail. Il y a la question à l'affaire de la rue de la Rousselle, que j'ai trouvée très intéressante, à Bordeaux. Oui, alors à Bordeaux, les spectres ont une petite préférence pour la rue de la Rousselle. On est au début des années 1590. Voilà. Une veuve, la Tapie, propose à la location une maison, rue de la Rousselle, à un marchand qui l'habite quelques années, puis décide brutalement de la quitter. Et la première solution qu'il envisage, c'est de la sous-louer. Et puis son sous-locataire n'y tient pas plus de quelques mois. Et à ce moment-là, le marchand décide d'attaquer son bail en justice en proposant comme clause de rupture de bail le fait qu'elle est infestée d'esprits. Et alors dans les textes du procès, il est dit qu'effectivement, il y a un esprit qui hante la maison, que cet esprit est apparu depuis l'épidémie de peste, que cette apparition terrorise la maisonnée. Elle a tellement terrorisé sa maisonnée qu'elle a fait mourir de peur sa propre femme. Un petit comité d'observateurs est envoyé dans la maison qui confirme les témoignages apportés par le marchand. Elle est vraiment morte, sa femme ? Alors, la femme est vraiment morte. Savoir si elle est vraiment morte, frayeur, ça, j'avais pas les sources pour le dire. Mais en tout cas, c'est ce qu'il avance devant le Parlement de Bordeaux, qui lui donne raison, en tout cas, qui l'autorise à produire cette clause de rupture de bail qui n'existait pas ni dans le droit coutumier, ni dans le droit romain. Et donc, il y a vraiment l'apparition d'un nouveau casus, un nouveau cas de droit qui va durer au fond, jusque dans, vers les années 1670, et qui est assez contemporain, enfin qui naît dans le contexte des guerres de religion et dans le contexte de l'épidémie de peste, enfin, des grandes, de grandes mortalités, de grandes peurs, et qui va être peu à peu marginalisé dans les traités de jurisprudence jusqu'à leur abandon dans les années 1670, avant qu'ils ne réapparaissent, par exemple, en 1991 à la Cour suprême de New York. Je ne sais pas si nos tribunaux pourraient s'en inspirer. Laissons cela à leur sagacité. Oui, alors la différence entre nos tribunaux et ceux de la Renaissance, c'est que les tribunaux de la Renaissance veulent établir la réalité de l'apparition. Le temps n'est pas encore venu d'une compréhension subjective ou anthropologique des faits de droit. Qui entraîne forcément du scepticisme, de la distance, parfois de l'ironie. Vous auriez été, je suis sûr, déçu si je ne vous avais pas donné à entendre Caroline Callard, la célébrissime chanson des frères Jacques, La queue du chat, qui a été composée par Robert Marcy et interprétée par eux en 1958. Donc la voilà, cette queue du chat. Le médium était concentré. L'assistance était convulsée. La table soudain a remué. Et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé, une ombre au mur s'est profilée, l'assistance s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré. Mais non, voyons. Oh non. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Runissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha, chacha. Alors en rond, on se remit. Et puis on attendit l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant: ouh, ça y est, je le sens, c'est lui. Mais non, voyons. Et bien alors, qu'est-ce que c'est? Snack. Le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha. Il chassa le chat. Ah! Une fois dit. Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue du, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat. Est-ce que cette chanson, Caroline Callard, a quelque chose de spécifique à nous dire, en particulier sur la grande question anthropologique des relations qu'on recherche à l'intérieur, un peu verticalement, d'un groupe familial, d'un clan familial? Alors là, chez les frères Jacques, le traite de façon burlesque et ouvertement sceptique, puisque il n'y a pas d'esprit, il n'y a que le petit bout de la queue du chat. Le burlesque renseigne souvent. Mais même au XVIe siècle, au XVIIe siècle, les apparitions s'accompagnent souvent d'un traitement burlesque. Il y a toujours les deux traitements figurent, un traitement sérieux, un traitement burlesque, et les deux se nourrissent en réalité. Et pour répondre à votre question, effectivement, les fantômes, les apparitions ne relèvent pas seulement d'une histoire du spectaculaire, du merveilleux, de l'extraordinaire, du surnaturel, mais, et c'est aussi énormément là-dessus que j'ai voulu insister dans mon livre, d'une histoire des relations entre les vivants et les morts, puisque le plus souvent, ces esprits ont un nom. Hein, contrairement à la chanson des frères Jacques où c'est l'esprit, au XIXe siècle et au XXe siècle, dans les pratiques des médiums, hein, on appelle un esprit particulier qui est souvent un mari, une femme, un enfant, un parent. Et au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est pareil. Hein, dans les procès des Benandanti, qui sont cette société du Frioul étudiée entre autres par Carlo Ginzburg, il y a les médiums sont chargés de transmettre des messages des vivants pour les morts et des morts pour les vivants. C'est encore le cas de Victor Hugo dans sa fameuse table tournante de Audley House, oui, à Guernesey, où c'est l'âme de sa fille disparue dont il est en quête. Bien sûr, alors c'est vrai que le spiritisme propre au Second Empire est très bien étudié par Guillaume Cuchet en particulier. Que j'ai invité ici pour parler du purgatoire, Nagel. Voilà, bah c'est très lié effectivement. On trouve son édition en ligne. Il y a des parallèles entre le 19e siècle et le 16e siècle qui sont vraiment très frappants, aussi sur la question des maisons hantées étudiée par Stéphanie Sauger. Mais oui, Victor Hugo appelle sa fille, veut entrer en contact avec sa fille, tout comme les artisans des campagnes frioulanes veulent entrer en contact avec leurs parents décédés pour savoir s'ils sont bien, s'ils se trouvent bien. Une chose frappe, c'est que alors que les Lumières sont efforcées de refouler l'idée des revenants, je pense à l'entrée spectre rédigée dans l'encyclopédie par le chevalier de Jaucourt, et il écrit « Nonobstant le grand nombre de ceux qui croient les spectres et qui cherchent à expliquer leurs possibilités, il y a eu de tout temps des philosophes qui ont osé nier leur existence. » Mais ces philosophes, au XIXe siècle, paraissent un peu en retrait, puisque le romantisme redonne force, redonne vie à beaucoup de revenants ou de spectres. Et on sent cela déjà dans les mémoires d'outre-tombe, où Chateaubriand se souvient des fantômes de son enfant dans le château de Combourg. C'est un texte qui est lu ici par Robert Arnault sur France Inter le 1er janvier 1997. Il parle de son père. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle qui était si peu éclairée par une seule bougie faisait qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Et puis, il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. Je reconduisais alors ma mère et ma sœur à leur appartement. Et avant de me retirer, elle me faisait regarder sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers, les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions, voleurs, spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à la jambe de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques, et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule, avec un chat noir. Des chouettes, voltant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Reléguées dans l'endroit le plus désert, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas léger. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Puis ces bruits expiraient, pour recommencer encore. À 4 heures du matin, la voix du maître du château appelant le valet de chambre se faisait entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit. Cette voix remplaçait pour moi la douce harmonie au son de laquelle le père de Montaigne éveillait son fils. Au lieu de me convaincre qu'il n'y avait point de revenant, mon père me força à les braver, en me disant avec un sourire ironique « Monsieur le chevalier aurait-il peur ?» Il m'eût fait coucher avec un mort. Cette notion de peur est très importante. Au fond, vous racontez aussi dans vos travaux sur les spectres et les revenants, à quoi nous avons consacré cette émission, Caroline Callard, vous faites aussi d'une certaine façon une histoire de la peur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le passage de Chateaubriand, au fond, on voit que la figure de ce père, qui n'est pas la figure la plus solaire des mémoires d'outre-tombe, pour lui, le spectre, c'est une expérience de courage. Donc, ça entre tout à fait dans l'éthos aristocratique de ce père un peu raide que décrit Chateaubriand. Il regrette qu'il ne lui ait pas proposé le spectre comme une expérience de pensée. Il dit, au lieu de me dire que les spectres n'existaient pas, il s'en servait pour me mettre à l'épreuve. Et c'est pas un hasard si quelques lignes plus loin vient sous sa plume l'allusion à Montaigne. C'est une grande figure du doute, hein, où il n'y a pas de fantôme chez Montaigne. Et justement, où là, c'est une figure de l'homme qui doute, hein, plus l'héritier de Lucien de Samosate que cette figure aristocratique et presque de matrice très ancienne, là aussi, hein, même aristotélicienne, on pourrait dire, de l'homme qui affronte la peur comme sentiment. Les pères sont très différents, comme l'est aussi, je vous le signale à l'avance, le père de Georges Brassens, dont nous entendrons tout à l'heure sous mon générique, nous entendrons une chanson. On est là avec Montaigne, du côté de, c'est un mot que j'ai appris, je dois dire, en préparant cette émission, de la zététique, c'est-à-dire l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux. C'est un art du doute. Exactement, oui. Donc Montaigne. Oui, oui. Même si Montaigne, j'ai vu qu'il habitait rue de la Rousselle, enfin qu'il a probablement habité rue de la Rousselle. Les spécialistes ne sont pas absolument formels, mais en tout cas, il possédait une maison rue de la Rousselle. Mais malheureusement, il ne mentionne jamais les histoires d'apparitions dans la rue qu'il devait connaître, c'est sûr. Donc il y a une sorte de non-dit. Il ne fait pas non plus, il n'y a pas d'essai consacré aux fausses apparitions. Donc il y a une sorte de non-dit dans lequel on peut mettre effectivement tout ce qu'on peut imaginer. L'attitude de Montaigne face à ces apparitions, mais elle est peut-être moins évidente que celle d'un doute absolu proclamé, affiché, manifesté. Je crois que vous avez montré au cours de notre conversation qu'il y avait une présence aujourd'hui encore de tout cela. On pourrait évoquer, ou en disiez un mot, le cinéma. Je pense à ce très beau film de René Clair qui s'appelait « Fantômes à vendre », où un fantôme est transporté de l'Écosse jusqu'aux États-Unis d'Amérique, ou bien encore plus récemment, le film d'Arnaud Desplechin, « Les fantômes d'Ismaël » avec Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard. Oui. Vous avez vu? Oui, oui, oui, j'ai vu les fantômes d'Ismaël. On ne passe pas un film sur les fantômes sans que vous vous y précipitiez. Oui, alors je ne vais pas voir tous les films de fantômes. Je pense que je passerai beaucoup de temps au cinéma, surtout en ce moment. Pourquoi surtout en ce moment? Je trouve qu'il y a effectivement une grande actualité des spectres. J'étais intervenue pour parler des disparus, le film de Pascal Bonitzer qui évoque voilà cette figure du fantôme qui revient, ou en tout cas de l'apparition qui vient juste entre le moment de la mort et le moment des funérailles, qui apparaît assez proche, qui a une histoire très ancienne. Avant, il y avait aussi le film d'Olivier Assayas, Personnel Shopper, dans lequel il y a cette figure de l'apparition, justement, communique avec, en tout cas, ce qu'on croit être une apparition communique avec le personnage principal incarné par Kirsten Stewart par le biais de SMS. On parlait de la technologie qui était comme vectrice de spectralité. Là, il utilise à la fois le cinéma, qui est un art de l'apparition, effectivement. Depuis le début, hein, Méliès, il y a plein de fantômes chez Méliès. Et encore récemment, les réalisateurs adorent jouer sur cette figure de l'apparition. Merci Caroline Callard. Votre livre sur lequel j'ai largement fondé notre émission s'appelle « Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, 16e, 17e siècle » paru chez Fayard en 2019. Spectralité, oui. Il y a le spectre de Newton et le spectre dont vous parlez. Quel lien? Alors c'est très étonnant que ce choix par Newton du terme de spectre, c'est la la première fois qu'il apparaît dans la science optique, hein, pour décrire la décomposition de la couleur dans la lumière. Mais justement, j'ai voulu l'évoquer pour montrer comment le spectre n'apparaissait pas quand la science disparaissait et vice-versa. Il ne disparaît pas quand la science apparaît, mais qu'au contraire, c'est un compagnon de route des savoirs qui s'en servent et qui l'évoquent. Vous êtes aussi spécialiste de l'Italie à l'époque au XVIIe siècle et votre livre antérieur s'appelait Le Prince, Machiavel, Le Prince et la République, Histoire, pouvoir et société dans la Florence des Médicis au XVIIe siècle, paru aux presses de la Sorbonne en 2007. Et nous avons évoqué aussi les travaux de Stéphanie Sauget, dont l'ouvrage majeur s'appelle L'histoire des maisons hantées, l'histoire des maisons hantées, France, Grande-Bretagne, États-Unis, 1780-1940, paru chez Talendier en 2011. Une bibliographie plus complète est à votre disposition, vous le savez, sur le site de Concordance des Temps, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission entre deux apparitions de fantômes. Samedi prochain, nous parlerons, il y a aussi quelques fantômes chez lui à vrai dire, nous parlerons de Barbet d'Aurevilly. Le lire aujourd'hui. Pourquoi? Comment? Je recevrai une spécialiste majeure de son œuvre, Judith Lioncamp. C'était tremblant, c'était troublant, c'était vêtu d'un drap tout blanc, ça présentait tous les symptômes, tous les dehors de la vision, les faux airs de l'apparition, en un mot c'était un fantôme. À sa manière d'avancer, à sa façon de balancer, les hanches quelque peu convexes, je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, à un fantôme du beau sexe. Je suis un... Eh bien, c'était Concordance des Temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitil de Gavrilov, Éclair Point Signon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Adèle Caglar, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Marie Chauveau. À l'heure où le coq chantera. Et dans quelques instants, je passerai le témoin à Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères. Et dans ce siècle profane, nous, les gens ne croient plus guère à nous. On va crier à l'imposture. Moi, qu'un chat perdu fait pleurer, pensez si j'eus le cœur serré devant l'embarras du fantôme. Venez, dis-je, en prenant sa main, que je vous montre le chemin, que je vous reconduise à homme. L'histoire finirait ici, mais la brise, et je l'en remercie, troussa le drap de ma cavalière. Dame, il manquait quelques osselets, mais le reste, loin d'être laid, était d'une grâce singulière. Mon Cupidon qui avait la flèche facile en ce temps, la vie mouche et le feu sur les tempes. Je conviais sournoisement la belle à venir un moment, voir mes icônes, mes estampes. Mon cher Luther, vous êtes fou, j'ai 2000 ans de plus que vous. Le temps, madame, que nous importe? Mettant le fantôme sous mon bras, bien enveloppé dans son drap, vers mes pénates je l'emporte. Eh bien, messieurs, qu'on se le dise, ces belles dames de jadis sont de satanées polissonnes, plus expertes dans le déduit que certaines dames d'aujourd'hui, et je ne veux nommer personne. Au petit jour, on m'a réveillé, on secouait mon oreiller avec une fougue pleine de promesses. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe. Mais foin des délices de capou, c'était mon père criant debout, vain Dieu, tu vas manquer la messe.